La saison de golf est pas mal terminée un peu partout et on va faire le bilan cette semaine des trois clubs de golf qu'on a couverts tout au long de l'été. Et question, on va commencer comme on le faisait tous les mardis quand il y avait des chroniques avec le directeur général de Junior Judo. C'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Salut Junior! Salut Danny. Junior, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année pour le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean? Ça a été une excellente année, mon cher. OK. Comment justifier ça, évidemment? Du côté de l'achalandage, partie Greenfield, la température a aidé beaucoup? Température? Oui. Qui était, je te dirais que la température était pour le golf idéale. Ensuite de ça, qualité de terrain. Ouais. Le terrain qui était en excellente condition pratiquement du jour 1 au jour aujourd'hui. OK. Ce qui fait que ça l'est pour beaucoup. Puis ça, ben, ce que ça fait, température plus un terrain bonne condition, ça t'amène de l'achalandage, ça t'amène du monde. Fait que si t'as du monde, ben, tes revenus automatiquement sont au rendez-vous. Fait que ainsi va la vie. Jumelé à ça, je pense qu'on était très agressif au niveau marketing, au niveau de nos promotions. Ça a donné encore là des excellents résultats. Fait que je pense que c'est le fruit d'un paquet d'ingrédients. Mais tu sais, tout ça, ben, la température, tu le contrôles pas. Ce que tu contrôles, c'est le travail, entre autres, de ton équipe, des gens, des employés. Puis de ce côté-là, encore là, ben, les gens ont fait un excellent travail. Peu importe dans quel département ils ont travaillé au niveau ouais. du club, ça a été très, très bien été. Fait que c'est le fruit un peu de toutes ces combinaisons-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis en mesure de te dire qu'on a eu une excellente saison. Est-ce qu'au niveau des performances, ça a bien été également? Quand tu parles des performances, tu parles de quelles performances? Je te parle des performances sur la scène régionale des golfeurs du Domaine Lac-Saint-Jean, ça a bien été aussi? Ah, ben écoute, oui, là, mais tu sais, ça honnêtement, là, moi, bon, est-ce qu'on performe bien au niveau régional ou pas? Tu sais, aujourd'hui, là, comment qualifier ça? Tu sais, le circuit régional. C'est plus amical que d'autres choses. À la base, les gens vont là pour s'amuser, aller jouer d'autres terrains, aussi changer, comme on dit, le mal de place en allant jouer sur d'autres terrains, découvrir d'autres terrains. Mais tu sais, le niveau performance, là, ben sincèrement, moi, c'est pas quelque chose, ça fait pas partie de nos critères d'évaluation. S'il y en a qui ça va bien, c'est parfait. Puis s'il y en a, peu importe que ça aille bien ou non, l'important, c'est que les gens s'amusent. Puis l'important, surtout, c'est que le monde aime jouer au golf, puis soit content de venir jouer, puis qu'il joue des parties de golf. Puis cette année, ben vois-tu, chez nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une augmentation au minimum de 20%, si c'est pas 25% d'augmentation des parties de golf jouées. OK. Ça, pour moi, c'est positif, puis ça se traduit au final aussi dans nos résultats financiers, c'est bien clair, là. OK. Dis-moi, est-ce que du côté, votre gros week-end golf du mois de juillet, est-ce que là les factures sont tout est rentré, au niveau net, ça était bon? Ah, très, très, très bon. Très, très, très bon. En termes, au niveau financier, c'était excellent. Ce qui est toujours difficile de mesurer, puis que... c'est ça. Ce qui est dur à mesurer, c'est toujours la partie visibilité, notoriété, l'impact que ça peut avoir sur toute la publicité indirecte que ça a amené. Ben, c'est sûr que ça a dû amener quelque chose parce que ça fut excessivement positif. Je pense que je suis pas mal sûr que les gens en ont entendu parler, puis pas seulement que sur la scène locale, là, ça a été partout au Québec. Ben ouais. Ça, c'est une chose qui est difficilement mesurable, mais ça a une valeur qui est très, très importante. Ça fait en sorte que le week-end golf, autant au niveau financier directement, quand tu dis là, les factures qui rentrent versus les factures versus les revenus qui rentrent par rapport aux factures qu'on a à payer, c'est positif, ça c'est sûr. C'est un bilan qui est positif. Mais à ça vient s'ajouter tout le volet publicitaire puis tout le volet marketing qui a tourné autour de ça, qui ont assurément débordé là, juste le cadre de financier. OK. Dis-moi, sur quoi que. Parce que là, tu vas être à l'emploi encore une bonne partie de l'année, probablement jusqu'à l'Assemblée générale. Sur quoi on va travailler cet automne, domaine Lac-Saint-Jean? Ben, écoute, il y a un paquet de choses. D'un, c'est fermeture de notre année financière. Elle va se terminer au 31 octobre. Fait que c'est toute la fermeture au niveau des comptables, là, notre année financière, ce côté-là. Fermé aussi, bon, ici, là, depuis hier, là, on peut dire officiellement, sans dire que c'est fermé, les golfeurs peuvent jouer encore, là, mais c'est toute la mise en place. Autant que tu ouvres une saison, ben, tu l'ouvres puis tu prépares tes choses, ben là, c'est de refermer tout ça pour remettre ça, comme on dit, en hivernement. Pour s'assurer, par contre, de préparer ça soit plus facile pour ouvrir la prochaine saison. L'autre chose qu'on fait là actuellement sur le terrain, il y a des travaux qui sont. On est à l'œuvre déjà depuis la semaine dernière sur des travaux d'amélioration au niveau de notre terrain. Apporter du correctif au terrain. Il y a des éléments là, bon, qui n'étaient pas à notre goût là, pendant la saison, des choses qui fonctionnent, qui n'ont pas fonctionné rondement, bien que ça n'a pas vraiment paru, mais il y a des améliorations qui sont à faire. C'est en train de se faire. J'ai un paquet de. Moi, je te donne un exemple. Il y a eu des problèmes au niveau du drainage du terrain, au niveau de l'irrigation. Ben, ça, c'est des travaux que tu peux pas faire en plein mois de juillet avec les firmes mécaniques sur le terrain. Puis, il faut que tu attendes à l'automne. C'est la meilleure période pour faire ça. Fait que ça, ces choses-là sont faites. On est en train de travailler beaucoup sur tout. Là. On l'avait fait quand même possiblement pendant l'été, au début de l'été, au niveau de nos trappes de sable. Mais là, on apporte encore. On va finaliser complètement la refonte de nos trappes de sable. Les choses qui sont améliorées, ça ne sera pas tout fait dans le sens que ils vont être faits au complet, mais il y a des projets là d'en enlever, il y a des projets d'en rajouter. Ça va se faire encore. On ne peut pas le faire tout sur un an, fait que ça va se faire probablement l'automne prochain encore. Il y a des pertes de départ qui sont retravaillées, qui sont refaites, agrandies, d'autres qui sont faites pour amener un nouveau coup d'œil aux golfeurs encore là. Ça va être des belles nouveautés. Fait que, tu sais, on veut arriver l'année prochaine, là, puis pas juste se contenter de dire on avait un beau terrain cette année, puis on vogue là-dessus. Au contraire, il faut continuer d'améliorer les choses, puis d'amener des éléments qui vont être positifs là, pour l'année prochaine, pour débuter en force. On veut vraiment être prêt l'année prochaine, dès le départ. T'as-tu aimé beaucoup ta première expérience? T'étais vraiment ta première année comme directeur général, t'as-tu aimé ça? Ah, c'était une très, très belle année. Ben, moi, j'ai adoré mon année. Bien que fallait se mettre en place, là, quand on arrive, bon, on a eu tout au niveau du personnel, là, on a eu des employés qui ont quitté ou qui ne revenaient pas tout simplement. Fait qu'il fallait remplacer ces employés-là. Fait que c'était de rebâtir pratiquement l'équipe au complet. Mais au final, là, ça a très bien été. La collaboration avec l'équipe a été parfaite. Je peux pas dire grand-chose de négatif par rapport à ça. L'accueil des gens ici, non, là, bien qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, là, même dans l'entre-saison, les prochains mois, là, on a toutes sortes de plans et de projets là, qui s'en viennent, qui vont être bien intéressants pour continuer de garder cette aire d'aller au club, là, mais sinon, très heureux, très satisfait, puis on verra maintenant pour la suite des choses, parce que moi, comme on sait, j'avais signé un contrat d'un an. Alors, le contrat, moi, se termine quelque part au mois de décembre prochain. Fait que Est-ce que tu es intéressé à revenir? on a entamé, oui, j'ai intéressé pour lui. Alors, on a entamé là, des pourparlers là, pour s'entendre avec le conseil d'administration. Fait que les prochaines semaines, là, on va voir comment tout ça va tourner, là. OK. Junior, est-ce que les terrains ont été vendus, les terrains qui restaient? Oui, entre autres, bon point que tu m'apportes, bien franc avec lui, je l'avais pas pensé celui-là, mais pour nous autres, ça, c'est un élément qui était positif. Qui est majeur? Il nous restait qui est majeur. Il nous restait un terrain là, à vendre dans notre développement domiciliaire et il a été vendu effectivement au courant de l'été. Ça, c'est un point qu'on voulait régler puis qui était réglé. Fait que ça, c'est un élément très, très important parce que ça nous amène une marge de manœuvre financière puis une sécurité, un certain coussin pour pallier à des saisons, parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, des saisons, jusque cette année, je considère que, bon, bien que l'automne, ça peut être, terrible, là, comme température, là, mais ça nous amène, tu sais, il reste que tout le mois de juillet, le mois d'août, c'est des gros mois pour nous autres, tu mets 4, 5, 6, 7, 8 jours de pluie là-dedans, Ben puis oui. quand c'est des journées complètes, ben, c'est des revenus majeurs que tu perds. Fait que ça te prend un coussin, je veux pas, pour pallier ces années plus difficiles-là en termes de température. Et là, ben, cette vente de terrain-là vient nous amener ce coussin-là. Bon, ben c'est bon. Alors, ça, c'est positif, là, dans un contexte où c'est jamais facile, là, on le sait, là, au niveau de l'industrie du golf. Fait que pour nous autres, là, ça nous positionne très bien pour les prochaines années. OK. Ben, Junior, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler. Puis, on surveille évidemment ta négociation avec le conseiller d'administration du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Merci, mon cher ami. Voilà le directeur général du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, Junior.